L'investissement en crypto et la contenance psychique. En fait, les études que je fais intensivement et empiriquement, c'est-à-dire concrètement dans ma vie, parce que depuis le mois de novembre 2024, je me suis mis à investir en crypto, m'ont amené à réaliser à quel point, indirectement, d'investir en crypto dans l'optique de s'enrichir, ça demande de la contenance psychique. Et c'est le sujet d'enregistrement parce que d'un côté, les gens qui voient l'investissement en crypto de l'extérieur peuvent juger ça comme étant une activité superficielle ou inutile, dans le sens que présentement, au moment où je vous parle, c'est pas avec la crypto-monnaie qu'on va payer son épicerie, qu'on va payer l'essence à station-service ici au Québec ou son loyer à chaque mois. Peut-être un jour ça l'arrivera, on sait pas, mais il y a beaucoup de gens qui ont une vision très péjorative par rapport à ça, mais ce que je dois dire, c'est que le fait d'investir en crypto m'a amené à réaliser, dans le fond, des forces au niveau de capacité de contenance, entre autres, force de volonté aussi. Je vais vous donner un exemple concret. Lors du mois de novembre 2024, puis décembre aussi, j'avais acheté des fonds négociés en bourse se rapportant à Ethereum, qui est une crypto-monnaie. Donc, la deuxième plus grosse en termes de capitalisation, c'est-à-dire valeur boursière après le Bitcoin, qui est le pionnier dans le domaine. Et puis, quand j'avais acheté Ethereum, c'était un mouvement haussier, en période haussière. Et puis, depuis environ 6 mois, Ethereum s'était mis à baisser. Il y a des gens qui ont capitulé, qui ont vendu l'Ethereum. Probablement qu'aujourd'hui, il y en a qui doivent le regretter parce que Ethereum est en train d'augmenter, de remonter. Mais ça prend de la contenance. Et comme j'expliquais à ma compagne, parce qu'elle aussi, elle avait investi à Ethereum quand même des montants d'argent significatifs au mois de novembre, puis dans le fond, décembre dernier, donc on était les deux à investir. Elle trouvait ça pas évident. B, elle a tenu aussi sa position. Puis pour tenir une position par rapport à un projet comme Ethereum, qui est une crypto-monnaie liée à une blockchain, là, donc c'est un support de transactions numériques, un peu comme le Bitcoin ou Solana. Donc, c'est un leader de catégorie à mes yeux. Donc, moi, à mes yeux, ça a une valeur intrinsèque et je tenais ma position. C'est sûr que je n'aurais pas pris une position aussi forte, on s'entend, là, par rapport aux mêmes coins qui ont été sortis à l'hommage de Donald Trump ou sa compagne Melania Trump. Pour moi, ça, c'est des choses qui n'ont pas de valeur intrinsèque. Donc, qu'il y ait des jetons qui soient émis par rapport à des vedettes ou des personnalités publiques ou politiques, pour moi, c'est absurde. Par contre, qu'il y ait un jeton en lien avec un projet qui est réel, qui est crédible, c'est autre chose. Et aujourd'hui, on est le 16 juillet 2025, Ethereum, naturellement, est en train d'augmenter, puis augmente de plus en plus depuis les derniers jours. Présentement, je suis en zone de profit. En fait, au plus bas, je vous dirais que Ethereum, dans mon portefeuille, a fait du moins 37. Là, aujourd'hui, je suis en zone de profit de 5%, mais j'attends encore pour le vendre parce que j'ai l'impression qu'il va augmenter encore lors de l'automne 2025. Mais le point que je veux faire par rapport à la contenance, c'est que pendant plusieurs mois, il y a des gens qui ont dit sur Internet, sur les réseaux sociaux, « Bon, Ethereum, c'est fini. C'est ce projet-là, c'est de la merde dans mon québécois. » ça va planter. Il y a des gens qui ont liquidé leur position parce qu'ils avaient peur que ça ne relèverait pas. Mais il faut comprendre, puis ça c'est intéressant, la psychologie dans le domaine des crypto-monnaies. La psychologie dans le domaine des crypto-monnaies, puis ça, moi dans le fond, étudier les crypto-monnaies, ça m'a amené aussi, simultanément, j'ai étudié plusieurs jeux de société. L'un des jeux de société que j'ai étudié, naturellement, c'est le poker puis l'art du bluff. Donc, quelqu'un peut faire croire qu'il y a une main très forte, puis c'est pas vrai. Ou, dans le fond, les gens peuvent penser que sa main, ça vaut rien. C'est de la merde, etc. C'est vraiment des mauvaises cartes. Puis finalement, ben, quand il met les cartes sur table, on se rend compte que il y a des cartes qui étaient très fortes. Puis la personne s'est mépris. Donc, à mon avis, puis on verra là, qu'est-ce qu'il adviendra d'Ethereum. Bien sûr, l'enregistrement présent n'est pas un conseil d'investissement. Je ne suis pas conseiller en investissement, puis investir comporte des risques. Je le répète tout le temps à chacun de mes enregistrements pour ne pas être mal interprété, naturellement. Mais le point que je veux faire, c'est que la psychologie de contenance que l'investisseur en crypto a à développer, dans le sens que quelqu'un qui prend une position, il achète, par exemple, une crypto-monnaie comme Ethereum, si la personne est capable de contenir que pendant 6 mois, plusieurs mois, dans le fond, la crypto-monnaie baisse, et que les gens vont lui dire « ben tu devrais vendre, ça n'a pas de bon sens de garder ça, tu vas perdre encore de l'argent, etc. » Puis là, ça tombe à moins 15, moins 20, moins 25, moins 37, comme dans mon cas. Il y en a que c'est plus que ça, là. Ils font du moins 40, moins 60, mais qui tiennent bon, sachant que, naturellement, le domaine des cryptos, disons, le loup est dans la poulailler, pour employer une belle expression, dans le sens que les grands joueurs institutionnels comme les fonds de placement, que ce soit BlackRock, Fidelity, il y en a d'autres aussi, sont là. Puis comme eux autres, c'est un peu à l'image de grosses baleines, parce qu'eux autres, ils peuvent spontanément acheter pour plusieurs milliards de dollars d'une crypto-monnaie, bien, ils vont faire monter le prix. Il peut avoir une certaine incidence. Moi, aujourd'hui, pour être honnête sur le Bitcoin, parce que le Bitcoin vaut plusieurs milliards de dollars, donc un gros joueur qui embarque tout seul à la hauteur de 2 milliards de dollars, ça ne change pas grand-chose. Par contre, s'ils se mettent à plusieurs, puis une collusion entre eux, à savoir qu'ils embarquent tout en même temps ou ils sortent tout en même temps, à ce moment-là, oui, ça peut faire fluctuer, ça peut faire varier les prix. Sinon, pour ce qui est des plus petites crypto-monnaies, naturellement, il peut arriver des situations de pump and dump. Donc, faire monter artificiellement le cours d'une crypto-monnaie pour que les gens se mettent à l'acheter. Donc, les petits investisseurs particuliers qui vont connaître le FOMO, Fear of Missing Out, avoir peur de passer à côté de l'opportunité. Un peu comme ça m'est arrivé. C'est pour ça que je veux partager un peu mon vécu, parce que ça fait quand même au-dessus de 6 mois que j'ai investi dans le domaine de la crypto-monnaie. Quand je suis arrivé dans le domaine, c'était suite à l'élection de Donald Trump, donc vers le 7 novembre 2024. Et j'ai vu le cours du Bitcoin là, s'emballer. Il est passé à peu près en quelques jours d'environ 75 000 à peut-être 84 000 $. Et je voyais ça monter, puis ça avait été quand même assez intense quand j'en avais acheté en fonds négociés en bourse, parce que je voyais le cours monter, mettons, c'était un vendredi au mois de novembre, puis disons qu'il était parti à 77 000, le lundi il était à 80 000, puis le plus tôt possible le lundi, alors que la bourse ouvre à 9h30, je me suis dépêché pour embarquer sur le Bitcoin puis en acheter, puis après ça, il a continué à monter dans la journée, là. Donc, il y a eu ce qu'on appelle une montée parabolique. Donc, de vivre l'euphorie du montant par rapport à un actif qui se met à monter très rapidement en peu de temps, je l'ai vécu. Ensuite, être confronté à des propos, à des vidéos, à des contenus, à des trucs sur Internet qui me disent « ben là, j'ai eu tort d'investir dans l'Ethereum, blablabla. » Et non, je maintiens ma position. Présentement, je serai en zone, si j'encaisse aujourd'hui, de 5% de profit, mais je trouve que c'est pas assez. Je veux monter plus. Là, on va voir si c'est de la validité mal placée dans les prochains mois. Mais j'ai l'impression qu'il va augmenter. Ça, c'est ma conviction. On verra bien. Mais pourquoi que je parle de contenance dans le domaine des crypto-monnaies? Parce que c'est en lien qu'une capacité d'encaisser les chocs. Et le marché, naturellement, est truqué. Le marché est manipulé, influencé par des gros joueurs. Puis en parallèle avec la crypto-monnaie, naturellement, je me suis intéressé à des jeux de société, comme je disais tantôt. Bon, le jeu de poker, c'est évident. Parce qu'on nous fait miroiter des choses par rapport à des nouvelles, puis des fois, ce n'est pas le cas, ainsi de suite. Mais chaque jeu a une fonction. Comme je trouvais intéressant à un moment donné, il y avait l'animateur donc d'ésotérisme expérimental, Richard Glenn, qui disait les gens en Chine jouent au jeu de Go. Et d'étudier le jeu de Go, ça permet de comprendre la mentalité des Chinois. Donc, encercler l'adversaire, prendre des terrains, prendre le contrôle de territoire. Et qu'est-ce qui se passe présentement? Ben, c'est que la Chine est devenue une superpuissance, puis elle fait du néocolonialisme. Autrement dit, la Chine, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va positionner ses pions un peu partout dans le monde. Et regardons qu'est-ce qui se passe en Afrique. Bon, la Chine va voir, par exemple, un pays d'Afrique. Elle dit, ben, vous n'avez pas les moyens de vous créer un port pour accueillir des bateaux? Aucun problème. On est prêt à le construire pour vous. Par contre, une condition. On va le construire, mais vous allez nous devoir de l'argent. Puis, si vous n'êtes pas capable de payer, ben, on va saisir le port. Puis, ça va être une zone qu'on va contrôler. Donc, puis là, ils placent un peu leurs pions un peu partout comme ça. Ils font des ententes avec différents pays pour l'exploitation de matières. Pourquoi? Pour, un peu comme le jeu de Go, ben, tu en sacres progressivement les adversaires, puis finalement, tu prends le contrôle de tout le terrain. C'est l'objectif. Prendre le contrôle d'un maximum de territoire. Donc, jouer au jeu de Go, c'est ce que je fais dans mes loisirs régulièrement. Ensuite, jouer aux échecs, comprendre la mentalité russe. Donc, naturellement, sur le plan historique, des champions du jeu d'échecs qui proviennent de Russie. Et quand on joue aux échecs, on n'est pas gêné de sacrifier un pion si ça peut permettre l'avancement d'une pièce qui a plus de valeur, comme par exemple un cavalier, que ce soit un fou, une tour, etc. Et qu'est-ce qui s'était passé dans la bataille qui avait eu cours lors de la Deuxième Guerre mondiale à Stalingrad? Donc, lorsque les nazis avaient pris contrôle de la ville en Russie de Stalingrad et que les Russes voulaient reprendre le contrôle, ben c'est qu'ils ont envoyé carrément un paquet de soldats sous les feux des nazis. Il y a des soldats qui mouraient. Par la suite, ils envoyaient d'autres soldats. Ah, il y en a un petit peu moins qui meurent. Puis progressivement, ils ont pris le contrôle de la ville. Donc, ils ont sacrifié, entre guillemets, des pions. C'est sûr que la perspective est très déshumanisante pour aller chercher une position. Ben, c'est un petit peu la mentalité du joueur d'échecs. Ou cette histoire que j'avais entendue dans un enregistrement qu'apparemment, il y avait un général russe qui disait « Si les nazis mettent des mines pour nous empêcher de passer, il n'y a aucun problème. On va envoyer dans un premier temps des soldats. Il y en a quelques-uns qui vont mourir sur les mines. Après ça, on va en envoyer une deuxième cohorte. Il y en a un petit peu moins qui vont mourir. Puis à la troisième cohorte, ben, probablement que le déminage va être fait parce que les mines auront toutes explosé. C'est aussi simple que ça. J'espère honnêtement que ce n'est pas une histoire qui est véridique, là, la deuxième que je viens de rencontrer, parce que c'est très... comment dire, c'est une vision du sacrifice de l'individu au nom d'un collectif en sacrifiant sur le champ de mine. Mais pour ce qui est de Stalingrad, c'est une réalité historique, malheureusement. Donc, j'ai parlé, sinon le jeu de poker, ben, c'est les Américains, comme les gens au Texas. Puis à mon avis, le président actuel des États-Unis, Donald Trump, est teinté de la mentalité du joueur. Dans le sens que quand il a rencontré Zelensky, qui a été le visiter il y a quelques semaines à la Maison-Blanche à Washington, ben, il a dit à Zelensky, « You don't have the card. » T'as pas les cartes. Tu sais, quand que tu joues au poker, puis la personne a des cartes qui sont fortes, par exemple, des rois, des reines qui vaut plus que des cartes avec des numéros, ben, la personne est en position de pouvoir. Mais l'autre, il disait, « Mais regarde, t'as pas des cartes qui sont fortes. T'es pas en position de négociation. » Donc, quand tu joues au poker, tu es en position de négociation si les cartes sont fortes, puis ça justifie que, dans le fond, tu vas miser plus dans l'optique de gagner. Mais là, si tu n'as pas des bonnes cartes, puis tu mises pour gagner, à moins que tu bluffes, tu risques de perdre. Ou que les autres se tassent. T'sais, la mentalité du joueur de poker est importante. Puis pour ce qui est des tarifs aussi, Donald Trump a fait miroiter, « Ah, la Chine, on va leur imposer 148% de tarifs par rapport à toutes les exportations que la Chine fait vers les États-Unis. Puis finalement, bien, naturellement, ça ne s'est pas réalisé. Il a tout adouci ça. Fait que Trump, il fait des menaces. Là, on va voir au moment où je vous parle, au mois de juillet, il menace des tarifs de 35% pour les produits qui viennent du Canada vers les États-Unis pour le 1er août 2025. Moi, je regarde ça, puis... ça me perturbe aucunement émotivement. Moi, je le vois un peu comme un joueur de poker qui fait tout le temps des paris. Puis je vois ça comme un jeu aujourd'hui. En fait, la finance, puis le domaine du crypto, je vois ça comme un jeu. Dans le sens, dans le domaine de la crypto plus particulièrement, s'il y a des gens qui s'intéressent, il y a les gros joueurs institutionnels qui peuvent faire de la collusion, un peu comme au Québec, on a eu la collusion dans la région de Chaudière-Appalaches par rapport stations-service d'essence qui avaient des ententes secrètes pour garder, par exemple, à un certain moment donné, les prix élevés par rapport au coût de l'essence à la pompe. Puis à un moment donné, ça a été su, puis il y a des recours collectifs contre ça. Mais j'ai l'impression que le domaine de la crypto-monnaie, par rapport aux grands joueurs institutionnels, il peut être possible qu'il y ait de la collusion entre eux en disant, bon, pendant la période présente, on fait monter le coût du Bitcoin, une hausse super rapide, parabolique, une montée fulgurante, comme on a vu dans les derniers jours. Donc, au moment où je vous parle, c'est le 16 juillet. En fin de semaine dernière, il y a eu une montée incroyable. Ça a monté à 121 000 $ américains. Là, présentement, en période de consolidation, à peu près 119 $ américains du Bitcoin. Mais le Bitcoin, j'observe son comportement. Je trouve ça intéressant. C'est que la plupart du temps, au-dessus de 75%, le marché il est stagnant, il est baissier, il est en consolidation. Puis à un moment donné, ouf, il y a une montée de malade. Dans la montée qui est présente, ce que ça fait, bien, ça peut attirer des petits investisseurs qui vont vivre le « fear of missing out », la peur de passer à côté de l'opportunité. Ils vont rentrer sur le marché, puis les autres peuvent penser que ça va tout le temps monter. Après ça, le Bitcoin, dans les jours qui suivent, naturellement, se met à baisser progressivement. Il y a des gens qui n'aiment pas ça, fait qu'ils vont vendre. Puis pendant ce temps-là, bien, les grands joueurs institutionnels peuvent racheter à rabais. Pour ensuite, dans une période d'à peu près, je vous dirais, 3 mois, en période de marché haussier, suivant le halving, se remettre à... Ouais, faut que je fasse attention pour ne pas être trop dans l'accusation, mais en tout cas, bref, ce qui arrive souvent, c'est qu'après une certaine période de semaine, le marché se remet à augmenter, mais ça ne dure pas longtemps. Fait que là... Si moi, je serais un grand joueur institutionnel, qu'est-ce que je ferais? Bien, je m'organise avec des amis. On fait tout monter le marché en même temps. On liquide ça à tous des particuliers. Puis là, les particuliers vont se décourager dans les semaines et mois qui vont suivre parce que le marché va être stagnant ou baissé. Ils vont vendre à rabais. On rachète. Ensuite, on refait la même opération une couple de semaines après où on fait une montée en malade puis on liquide tout. Donc, puis racheter encore une fois à rabais pendant que les gens sont démoralisés. Puis se font avoir à l'usure. Dans le sens que quelqu'un qui achète du Bitcoin, au début, il est tout enthousiaste quand il l'achète, par exemple, au plus haut, plus sommet atteint, en pensant que ça va continuer de monter, donc à 121 000. Puis après ça, dans les... Là, je me doute du pattern, qu'est-ce qui va avoir cours, là? C'est que moi, je vous dirais que le... En tout cas, on va voir, c'est pas bon de faire de la prédiction, mais dans les prochaines semaines... probablement que le marché va être bas. Il y a des gens qui vont se tanner de l'avoir parce qu'ils veulent faire de l'argent rapidement à cause de l'avidité. Puis, quand ils vont se tanner puis ils vont liquider, il y en a qui vont liquider après un jour, après une semaine, deux semaines, un mois, etc. Là, après ça, ben, il peut y avoir des grosses baleines institutionnelles qui sont en période d'accumulation. Ensuite, ils donnent une période ou laissent arriver une période de marché haussier. Là, les gens sont excités. Eux autres, ils liquident ce qu'ils ont accumulé pendant que les autres qui étaient démoralisés ont vendu pour ensuite leur revendre à ces mêmes personnes-là. Puis il y a des gens qui vont être naïfs puis ils vont probablement racheter quand ça va être au plus haut sommet. Puis eux autres vont faire le même stratagème. Mais moi, ils ne m'ont pas eu à l'usure par rapport à l'Ethereum. Là, c'est ça, il faut que je fasse attention parce que, dans le fond... J'ai l'impression qu'il y a une partie du marché qui est faussée artificiellement. Il y a un autre marché qui n'est pas nécessairement contrôlé. Je ne prêterai pas des intentions à tout le monde et à toutes les grandes institutions. Il faut que je fasse quand même des nuances. Mais bref, moi, j'ai tenu ma position par rapport à l'Ethereum pendant plusieurs mois. Ça a été très lourd et très pénible là, de voir ça d'afficher moins 37. Ma compagne aussi, dans le sens... j'avais parlé de la possibilité qu'il y ait des gains importants qui se fassent davantage dans le cycle présent lié au Bitcoin sur l'Ethereum et le Solana que le Bitcoin en tant que tel. Puis là, il n'y a rien qui se passe, puis son portefeuille est dans le négatif pendant plusieurs mois. Fait que c'est contrariant pour elle. Mais j'ai dit, ben c'est comme un jeu, puis à un moment donné, c'est comme quelqu'un qui décide d'ouvrir le robinet, puis ça se met à monter en malade. Mais ça ne dure pas longtemps. Puis là, ça représente une période de liquidation. Pour ensuite racheter un peu plus tard lorsqu'il y a une période de baisse ou de consolidation. Habituellement, après un plus haut sommet historique, vous aurez remarqué que ce soit Bitcoin, Solana, Ethereum, il y a toujours une période baissière. Il n'y a pas eu un plus haut sommet historique dans le passé, dans les dernières années, en tout cas où je suis le cours. Là, j'ai regardé quand même l'historique depuis au moins les 5 dernières années par rapport aux 3 crypto-monnaies que je vous ai mentionnées. Il n'y a pas eu un moment où ce que la crypto-monnaie est arrivée, par exemple, à, disons, à 100 000, puis là, ça a tout le temps été plus que 100 000. Ben non, il y a des périodes de consolidation. C'est comme ça que ça marche. Sauf que les périodes de consolidation, les périodes de baisse sont plus importantes que dans le domaine de la bourse standard par rapport à SP500, Nasdaq 100. Donc, ça peut créer plus de chocs aussi. Mais après ça, moi, quand je prends de l'argent qui provient de la crypto, parce que là, je savais, ça fait arrogant un peu, mais ça fait plusieurs mois que j'étudie le pattern, puis je me doutais, là, lundi passé, donc là, on est 16 juillet, on est mercredi, donc le lundi qui précède, je savais que, parce que le Bitcoin avait atteint 121 000, que par la suite, dans les heures et les jours qu'elle allait suivre, qu'elle allait consolider, fait que moi, je me suis dépêché à liquider, parce que j'avais acheté des fonds négociés en bourse et à la blockchain, qui sont en corrélation avec le Bitcoin, puis pour empocher un profit, parce que je savais que, j'avais l'impression de savoir, je vais être rigoureux et honnête, que ça allait baisser. Ça n'a pas resté à 121 000 longtemps. En effet, c'est ce qui est arrivé. Là, je vais regarder le marché baisser. Peut-être que je vais racheter un peu plus bas dans quelques semaines. Mais c'est de comprendre comment ça fonctionne et être capable de contenir le mouvement baissier en crypto. C'est encore plus important que la bourse parce que la bourse, dans le fond, un investisseur en bourse qui est confronté à du... une capitalisation boursière qui fait du moins 30, moins 40, moins 50, moins 60, il y en a qui capoteraient, là. Ils ne sont pas nécessairement habitués à ça. Ils sont habitués, les gens qui investissent depuis plusieurs années, bon, il va y avoir des périodes où ce que ça va être une baisse de 5%, 10%, comme en 2022, ça a été une baisse d'à peu près 15% par rapport à SP500 ou Nasdaq 100. Des baisses comme ça, là, mais pas des affaires aussi importantes que la crypto. Mais quelqu'un qui vient du domaine de la crypto puis regarde la bourse, il peut trouver ça bien plus relax. Moi, en tout cas, je trouve ça plus relax de regarder le cours du SP500, Nasdaq 100, que regarder le cours de l'Ethereum ou du Bitcoin ou du Solana. Ça, c'est clair, là. Mais il y a un adage qui dit tout ce qui peut monter haut peut baisser aussi bas en proportion, d'où l'importance d'avoir une plus grande contenance du mouvement. À mon avis, ça prend une plus grande contenance pour investir en crypto que dans le domaine de la bourse, selon mes observations personnelles. Puis les gens qui disent « Ah, les gens qui investissent en crypto, c'est superficiel, puis c'est des affaires de jeunes. » Non, ça prend une certaine maturité psychique pour contenir le mouvement puis s'enrichir parce que la plupart des investisseurs qui font une gestion active du portefeuille, ils perdent. C'est un peu comme la gestion active de portefeuille dans le domaine de la bourse où 70% des gens ne font pas d'argent. Bien, dans le domaine de la crypto, c'est le même principe. C'est sûr que mon défi en tant qu'individu, bien, c'est de ressortir enrichi de cette expérience-là. Donc, de faire de l'argent, faire du profit. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Il ne faut jamais rien prendre pour acquis. Puis, bien qu'on ait la capacité de contenir ce mouvement-là, il peut arriver d'autres choses. En fait, ça m'amène à vous parler du fait que il y a plusieurs semaines, en fait, je m'étais ouvert une plateforme sur VirgoCX. Donc, c'est une plateforme de transactions en ligne du Canada dans le domaine de la crypto-monnaie. Avant d'ouvrir mon compte, j'avais vérifié que la plateforme était enregistrée auprès de l'AMF, l'Autorité des marchés financiers du Canada, ce qui est le cas sur le site web, pour s'assurer, par mesure de sécurité, qu'il y a une fiabilité là, liée à la plateforme, un peu comme il y a d'autres plateformes qui sont enregistrées aussi, comme Coinbase. En fait, à la base, je voulais m'inscrire sur Coinbase. Je m'étais inscrit sur Coinbase, puis le délai de traitement, c'était de 2 à 3 semaines. Et là, c'était la période où ce que le Bitcoin montait au mois de novembre. Puis là, je me suis dit, bien là, je ne peux pas attendre. Il faut que je sois opérationnel le plus tôt possible. Je perds de l'argent. Parce qu'il y a un adage qui dit que le temps, c'est de l'argent. C'est vrai dans le domaine de la bourse, mais encore plus dans le domaine de la crypto, surtout en période de montée parabolique. J'avais donné mon nom pour m'inscrire sur Coinbase après à peu près 3 semaines avant que ma demande soit traitée. Mais entre-temps, j'avais essayé de m'inscrire en fait sur VirgoCX, par moi-même, ça n'a pas marché. Finalement, ben, j'ai ouvert un compte, mais en réalité, c'était avec ma conjointe qui a ouvert un compte. Elle, ça l'a marché. Je ne sais pas pourquoi. Mais bon, elle, ça l'a fonctionné. Fait que finalement, on transigeait à partir de cette plateforme. Puis, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'on avait pris des crypto-monnaies ensemble. Donc, comme Near Protocol, Solana, donc... c'est des crypto-monnaies essentiellement que Paul de Crypto Formation là, a parlé sur YouTube. Lui, c'est un investisseur de longue date. Ça fait au-dessus de 8 ans là, qu'il est dans le domaine d'investissement en crypto. Puis je trouvais intéressant, là, c'était par rapport à des projets qu'il avait évalués avec un certain niveau de pertinence là, essentiellement. Donc, c'était pas des meme coins ou des shit coins. Là. C'était tout simplement pour vous dire ça. Donc, on en avait pris quelques-unes et curieusement, au mois de juin, ma compagne a reçu un message par courriel comme de quoi qu'il nous rembourse l'argent qu'on avait mis là. On a été très surpris. Puis le montant, naturellement, n'était pas le même qu'on avait mis au moment de l'ouverture du compte. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, à partir, parce que nous autres, on n'allait pas sur la plateforme régulièrement, parce que je vous dirais qu'à partir du mois à peu près janvier ou février, le marché était tout le temps baissier. Fait que je n'avais pas besoin d'aller les voir une par une. Je savais que globalement, si le Bitcoin est baissier, le marché est baissier pour les crypto-monnaies. Et le marché était baissier. Fait que je n'y allais pas sur la plateforme ni ma compagne. Il n'y avait rien à faire. On ne se voyait pas liquider les positions à ce moment-là. On était en zone de perte. Puis quand on avait été voir, on était vraiment en zone de perte. Là, disons... Le portefeuille par rapport au montant investi à la base avait perdu au moins 2/3 de sa valeur si on vendait. Fait que c'était pas intéressant du tout de vendre. Et on a dit, bon, on va attendre que le marché augmente de nouveau. Et puis, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'au mois de juin, ben, on a eu un message qu'ils ont décidé de vendre au mois de juin puis au mois de mai à deux reprises l'ensemble des crypto-monnaies qu'on avait pris. Ça a été très contrariant pour moi en particulier, parce que je m'étais beaucoup investi à étudier différentes crypto-monnaies, à identifier des cibles de profit dans un premier temps, deuxième temps. J'avais étudié Paul de Crypto Formation qui parlait d'avoir un agenda, entre autres, où qu'on peut prendre les profits par palier. Donc, disons, si une crypto-monnaie, par exemple, augmente du total de sa valeur, donc quelqu'un qui en achète, par exemple, une crypto-monnaie pour 200$, donc lorsqu'elle est rendue à 200$, faire une première prise de profit. Comme ça, si la monnaie monte ou baisse par la suite, c'est moins grave parce que la personne a récupéré son investissement de base. Donc, j'avais allé dans le sens de ce principe-là, mais en me donnant une marge de 10% de profit. Ce qui veut dire que si j'avais pris une crypto-monnaie qui valait 200$, je m'étais donné comme objectif d'attendre qu'elle monte à 210$ pour avoir une marge de profit, puis encaisser un premier montant, puis laisser le reste là pour... Si ça augmente davantage, ben tant mieux. Si ça augmente pas davantage, ben je ne suis pas perdant. Donc, c'était le principe de base avec lequel je voulais œuvrer. J'avais travaillé très fort par rapport à l'étude de différentes crypto-monnaies, etc. Et là, tout a été contrecarré parce que il y a eu la vente sans que je l'aie décidé de mes crypto-monnaies parce que le site Virgo CX a décidé, les responsables du site, devrais-je dire, d'arrêter d'entreposer des crypto-monnaies sur ce site web. Je ne sais pas si on a découvert qu'il y avait des failles de sécurité qui pouvaient faire en sorte qu'ils pourraient se faire pirater la plateforme comme c'est arrivé pour d'autres plateformes dans le domaine de la crypto. J'en ai aucune idée, mais tout ce que je peux vous dire par rapport à ça, c'est que, bon, ça a été liquidé au mois de mai puis au mois de juin, puis le marché était baissier à ce moment-là. Donc, c'était vraiment, mais vraiment pas à notre avantage. J'aurais jamais sorti de mes positions à ce moment-là. J'étais très contrarié. Puis quand j'étais sur ce site web, je voyais qu'à partir du 4 avril, dans le fond, il y avait un message comme de quoi que les gens devaient liquider leur position. Puis eux autres, le site ne ferait plus l'entreposage. Puis là, j'ai l'impression que suite à ça, ben, ils ont liquidé progressivement toutes les positions qu'avaient les personnes. C'est sûr que s'il y avait une menace de piratage importante ou crédible, je comprends qu'ils aient, dans le fond, arrêté d'entreposer les différentes crypto-monnaies. C'est mieux faire ça que les gens soient tous piratés, mais en même temps, ben, ils ont vendu à perte. Parce que moi, l'argent, je ne l'aurais pas sorti à ce moment-là. J'attendais à l'automne 2025, parce que probablement, il va y avoir d'autres hausses là, liées au Bitcoin. Au niveau de la saisonnalité, je vous dirais probablement qu'on verra bien, là. Je ne fais pas de prophétie, mais vers le mois d'octobre 2025, Si on se base sur les cycles précédents liés au Bitcoin, ça va être probablement le plus gros sommet qui peut être atteint. Puis après ça, on va tomber en marché baissier pour environ 2 ans avant le prochain halving. Mais on verra bien. Ça, c'est l'impression. Mais bref, ça a été décaissé sans ma volonté. Puis ça, cette expérience-là a été importante au niveau de ma contenance parce que ça m'a amené à réaliser que même avec toute la bonne intention du monde, puis même avec la volonté de dire, ben, pour ne pas me faire arnaquer ou pirater sur une plateforme de crypto-monnaie, je vais vérifier dans un premier temps si est reconnu par les autorités officielles ici au Canada, c'est l'AMF, Autorité des marchés financiers, ce qui était le cas. Ensuite, par rapport au projet dans lequel j'ai investi, j'ai évalué leur crédibilité, j'ai fait un paquet d'affaires. Fait que même avec toute la bonne volonté du monde, ça se peut qu'un concours de circonstances qui fasse en sorte que finalement les choses ne se passent pas comme on le veut. Et ça a été le cas par rapport à la crypto. Suite à ça, j'ai été pendant plusieurs heures, plusieurs jours très en colère, mais je me suis dit non, je ne me laisserai pas abattre. Et j'ai par la suite réinvesti dans le domaine de crypto. En fait, mercredi passé, j'ai été sur Dysnap, plateforme de courtage en ligne à partir de laquelle on peut acheter des actions. Et je vous dirais également de plus en plus des obligations. En fait, pas des obligations, mais des fonds négociés en bourse et à la crypto-monnaie. Il y en a plusieurs. Il y a le Bitcoin, l'Ethereum, mais il y a aussi Solana et XRP. Et comme mercredi passé, c'était le jour où j'allais rencontrer Mona, donc virtuellement à travers une entrevue que j'ai faite, d'ailleurs que j'ai mis en ligne sur ma chaîne YouTube, je m'étais dit, ben, je vais aller acheter du XRP. Chose que j'ai faite, j'ai dans le fond acheté par rapport à XRP, donc le code que j'ai pris c'est XRPP, il y a deux P.B-C sur Dysnap en dollars canadiens. Mais c'est plus, je prenais ça plus à titre indicatif, puis je me suis dit on verra bien, puis ça me fera quelque chose à dire à Mona, parce que ça fait plusieurs semaines qu'on parle d'XRP, puis de Yves Usureau qui est interviewé sur la chaîne de Lux Media par André Pitt pour parler du domaine de la crypto-monnaie, entre autres d'XRP, et aussi de l'investissement dans l'or essentiellement. Donc j'ai dit, ben je vais prendre ne serait-ce qu'un fonds négocié en bourse d'XRP, puis je vais voir qu'est-ce qui va se passer. Et en une semaine, il y a une valorisation de 27,15%. Par rapport à ce que j'ai pris. Donc, si je vends demain matin, puis c'est encore à peu près le même prix, je ferai 27% de profit. Et là, c'est sûr que mon regret, c'est d'avoir acheté tout simplement un fonds négocié en bourse qui m'a coûté 12$. En fait, si j'avais pris pour 1000$ d'XRP, j'aurais fait 271$ en une semaine, pas un mois, pas un an. Mais bon, j'avais pris mon temps à titre indicatif, mais ça m'a rebranché sur le potentiel de croissance rapide dans le domaine de la crypto-monnaie. Et puis, je me suis remis à investir via Dysnap. J'ai pris des fonds négociés allés en bourse via Solana. Pour ne pas être, dans le fond, suite à la mauvaise expérience que j'ai eue avec la plateforme, pas être abattu puis rester avec un goût amer. Parce que quand ils ont vendu, bon, au printemps passé, par rapport aux crypto-monnaies que j'avais pris, j'avais perdu au moins le 2/3 de la valeur. Puis quand ça a été liquidé, donc au mois de mai puis juin, ça avait remonté un petit peu, mais pas tant que ça. J'étais en position de perte de la moitié de la valeur. Donc, à ce moment-là, ben, c'est sûr que c'est plate de subir ça. Et aujourd'hui, ben, j'en suis venu à la conclusion que dans l'avenir, par rapport à Virgo ou d'autres petites plateformes d'investissement en ligne liées à la crypto-monnaie, à part Coinbase, parce que finalement, je n'ai pas ouvert mon compte puis je l'ai gardé ouvert, mais présentement, je vise plus à aller juste avec des gros joueurs qui sont sur la bourse, comme XRP, Solana, Ethereum et aussi Bitcoin, en fait, pour ce qui est de Solana et XRP, ils sont sur la bourse canadienne, mais pas encore américaine. Donc, c'est assez spécial, mais c'est comme ça présentement, mais ils vont probablement rentrer bientôt si la SEC, SEC, autorise, dans le fond, ça. Ça va probablement aller à l'automne. Puis, ce qui peut arriver, c'est quand ça va rentrer en bourse, un peu comme pour Bitcoin, mais là, il va y avoir une montée fulgurante là, de la valeur du prix, là. quand l'ETF, le fonds négociant en bourse lié au Bitcoin, est entré sur le marché, il y a eu une hausse incroyable là, du Bitcoin là, et naturellement, ceux qui ont pris le fonds bien, ont connu une croissance rapide à ce moment-là. Donc, c'est probablement ça qui risque d'arriver. Donc, c'est des choses intéressantes à suivre. Il y en a qui parlent XRP pour le mois d'octobre 2025. On verra bien. Peut-être qu'une des stratégies que je vais adopter, ça va être d'en prendre avant l'entrée en bourse officielle. Puis quand ça va être annoncé en bourse officielle, avec grand coup de fanfare, puis un peu partout sur le web, il y aura peut-être un effet d'entraînement qui va amener une valorisation spontanée de l'actif. Et à ce moment-là, ben, je vais peut-être liquider certaines de mes positions là, par rapport à XRP ou lors de l'entrée de Solana. Donc, mais ce que je veux dire par rapport à tout ça aussi, bon, l'expérience que j'ai vécue avec Virgo, où sans mon consentement, il y a des titres qui ont été liquidés du portefeuille à des moments que je ne voulais pas. Ça m'a ramené à la réalité terre-à-terre de ne pas mettre tous mes espoirs dans la richesse à travers la crypto. Donc, ça m'a ramené des préoccupations plus pratiques en disant que ben, le compte que j'ai sur Dissnap, je ne le souhaite pas, mais à un moment donné, il peut arriver aussi des choses par rapport au compte, ainsi de suite. Donc, faut pas tout mettre les œufs dans le même panier, comme on dit, rien prendre pour acquis non plus. Puis, il faut vivre par rapport à soi, dans le sens, si par exemple, on fait quelque chose puis on est satisfait, ben on est satisfait pour soi. C'est ça, parce que si quelqu'un se laisse entraîner par la foule, dans le sens que tout le monde dit « Ah, ben Ethereum, c'est fini, le projet va se mettre à couler pendant plusieurs semaines. » Il y avait quelques YouTubers qui ont dit « Non, non, je tiens ma position pareille sur Ethereum. » Il y a plus de 4 personnes influençables se sont laissées démoraliser puis ont vendu à perte. Si moi, j'avais vendu à moins 37, puis je réaliserais qu'aujourd'hui, je serais en zone de profit de 5%, je serais très contrarié d'apprendre ça. C'est tout le temps une question que si la personne est capable de contenir une position, faire preuve de volonté, bien, c'est des choses qui sont utiles aussi, des compétences transférables dans la vie de tous les jours. C'est ça qui est important de comprendre aussi là, par rapport à l'investissement en crypto. Sinon, les analyses boursières que je fais par rapport à Solana, Bitcoin, il y en a plusieurs autres aussi, je vois tout le temps le potentiel là-dedans. Mais on verra qu'est-ce que ça va donner dans le temps. Et puis, je vais compléter l'enregistrement en disant l'important de se relever. C'est un petit peu comme quelqu'un, par exemple, qui a un accident d'automobile. Si la personne se sent victime puis elle conduit plus, moins elle conduit puis elle a peur de l'auto, plus qu'elle se sent impuissante, plus qu'elle ne veut pas conduire, plus qu'elle est dans l'évitement, puis plus qu'elle attend pour conduire, plus qu'elle tombe dans le cercle vicieux de l'inertie. Tandis que moi, ce que j'ai fait, c'est que oui, j'ai perdu de l'argent par rapport à une plateforme dans laquelle j'ai investi. Je m'en gêne pas, mais ce que j'ai fait, à la différence de la personne qui a un accident d'auto puis il veut plus rien savoir pour conduire, ben moi, je me suis replongé dedans en réinvestissant, entre autres, dans Solana via Dissnat, XRP. Puis là, je vois que XRP est en croissance, mais il y a un adage qui dit en québécois qu'il faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Comme XRP, c'est bien beau de regarder ça, je suis en zone de profit de 27%, mais le profit n'est réel que lorsqu'il est encaissé. Même chose par rapport au Bitcoin. Bitcoin, depuis le mois de novembre, par rapport au fonds négocié en bourse que j'ai acheté, lié au Bitcoin, je suis en zone de profit d'à peu près 40%. On s'entend que 40%, ça surperforme amplement le SP500, le Nasdaq 100, donc à mes yeux, c'est excellent. Mais tant que je n'ai pas empoché l'argent, je ne peux pas dire concrètement que j'ai un profit. Puis la même chose, tant que la personne n'a pas empoché le montant, il y a une perte, comme l'Ethereum quand il était pour moi à moins 37, je ne peux pas dire que je suis en position de perte actualisée. C'est le même principe. Sinon, en parallèle avec ça, ma stratégie est toujours la même au niveau de l'investissement, c'est-à-dire investir en crypto pour aller chercher de la croissance rapide sur du capital, prendre l'argent puis réinvestir ça dans une optique de moyen et long terme dans des fonds négociés en bourse avec options d'achat dont Adrian de Passive Income Investing parle sur le web pour avoir des revenus récurrents chaque année. Et à chaque mois, pour plus être précis, parce que c'est des dividendes élevés par mois par rapport à plusieurs fonds négociés en bourse qui parlent, comme par exemple Tesli-C, qui donne, dans le fond, pour ce qui est des derniers mois, entre 3 et 5 % de rendement, pas par année comme un certificat de pauvreté garanti, non, non, par mois. Donc, quelqu'un qui a des bons rendements de dividendes par mois, ben, il peut vivre par la suite une bonne retraite. C'est ça, puis avoir une autonomie financière. Donc, ça, c'est quelque chose que je pense que c'est intéressant à viser. Mais je suis déjà investi avec des fonds négociés en bourse avec option d'achat, mais en parallèle avec la crypto. Mais éventuellement, mon objectif, c'est de liquider ce que j'ai en crypto pour prendre des fonds négociés en bourse, faire un transfert d'argent, parce que je trouve que c'est plus sécuritaire, là, des fonds négociés en bourse qui répliquent le Nasdaq 100, le SP500, des choses comme ça, que des cryptos spécifiques, naturellement. Donc, c'est ce que je voulais vous mentionner aujourd'hui. Merci de votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.